Le Père Aimable de Guy de Maupassant, lu par Joanne pour audiocité.net. Le ciel humide et gris semblait peser sur la vaste plaine brune. L'odeur de l'automne, odeur triste des terres nues et mouillées, des feuilles tombées, de l'herbe morte, rendait plus épais et plus lourd l'air stagnant du soir. Les paysans travaillaient encore, épars dans les champs, en attendant l'heure de l'Angélus qui les rappellerait aux fermes dont on apercevait, çà et là, les toits de chaume à travers les branches des arbres dépouillés qui garantissaient contre le vent les clos de pommiers. Au bord d'un chemin, sur un tas de hardes, un tout petit enfant, assis, les jambes ouvertes, jouait avec une pomme de terre qu'il laissait parfois tomber dans sa robe, tandis que cinq femmes, courbées et la croupe en l'air, piquaient des brins de colza dans la plaine voisine. D'un mouvement leste et continu, tout le long du grand bourrelet de terre que la charrue venait de retourner, elles enfonçaient une pointe de bois, puis jetaient aussitôt dans ce trou la plante un peu flétrie déjà qui s'affaissait sur le côté. Puis elles recouvraient la racine et continuaient leur travail. Un homme qui passait, un fouet à la main et les pieds dans des sabots, s'arrêta près de l'enfant, le prit et l'embrassa. Alors une des femmes se redressa et vint à lui. C'était une grande fille rouge, large du flanc, de la taille et des épaules, une haute femelle normande, aux cheveux jaunes, au teint de sang. Elle dit d'une voix résolue « Te v'là, Césaire ? Eh ben !» L'homme, un garçon maigre à l'air triste, murmura « Eh ben, rien de rien, toujours de même. Il ne veut pas ? Il ne veut pas. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je sais-ti. Va t'enlever le curé ? Je veux ben. Vas-y, Esther. Je veux ben. » Et ils se regardèrent. Il tenait toujours l'enfant dans ses bras. Il l'embrassa de nouveau et le remit sur les hardes des femmes. À l'horizon, entre deux fermes, on apercevait une charrue que traînait un cheval et que poussait un homme. Il passait tout doucement, la bête, l'instrument et le laboureur, sur le ciel terne du soir. La femme reprit. « Alors, qu'est-ce qu'il dit ton père ?»« Il dit qu'il ne veut point. »« Pourquoi ça qu'il ne veut point ?» Le garçon montra d'un geste l'enfant qu'il venait de remettre à terre, puis d'un regard, il indiqua l'homme qui poussait la charrue là-bas. Et il prononça « Parce que c'est Ali, ton enfant. » La fille haussa les épaules et d'un ton colère. « Pardi, tout le monde le sait bien que c'est ta victoire. Et puis après, j'ai fauté ? Je suis-t-il la seule ?» Ma mère aussi avait fauté avant mai, et puis la tienne y tout avant d'épouser ton père. Qui ça qui n'a point fauté dans le pays ? J'ai fauté avec Victor, vu qu'il m'a prise dans la grange comme je dormais, ça c'est vrai. Et puis j'ai refauté que je ne dormais point. Je l'aurais épousé pour sûr, n'eût-il point été un serviteur. Suis-t-il moins vaillante pour ça ? L'homme dit simplement, mais je te veux ben tel que t'es, avec ou sans les fans. N'y a que mon père qui m'oppose. Je verrai tout de même à régler ça. Elle reprit « Va t'enlever le curé à cette heure. J'y vas. » Et il se remit en route de son pas lourd de paysan, tandis que la fille, les mains sur les hanches, retournait piquer son colza. En effet, l'homme qui s'en allait ainsi, Césaire Houlbrecq, le fils du vieux sourd Aimable Houlbrecq, voulait épouser, malgré son père, Céleste Lévesque, qui avait eu un enfant de Victor le Coq, simple valet employé alors dans la ferme de ses parents, et mis dehors pour ce fait. Au champ, d'ailleurs, les hiérarchies de caste n'existent point, et si le valet est économe, il devient, en prenant une ferme à son tour, l'égal de son ancien maître. Césaire Houlbrecq s'en allait donc, un fouet sous le bras, ruminant ses idées, et soulevant l'un après l'autre ses lourds sabots englués de terre. Certes, il voulait épouser Céleste Lévesque, il la voulait avec son enfant, parce que c'était la femme qu'il lui fallait. Il n'aurait pas su dire pourquoi, mais il le savait, il en était sûr. Il n'avait qu'à la regarder pour en être convaincu, pour se sentir tout drôle, tout remué, comme abêti de contentement. Ça lui faisait même plaisir d'embrasser le petit de Victor, parce qu'il était sorti d'elle. Et il regardait, sans haine, le profil lointain de l'homme qui poussait sa charrue sur le bord de l'horizon. Mais le père Aimable ne voulait pas de ce mariage. il s'y opposait avec un entêtement de sourd, avec un entêtement furieux. Césaire avait beau lui crier dans l'oreille, dans celle qui entendait encore quelques sons. « Je vous soigne Rombin, mon père. »« Je vous dis que c'est une bonne fille, et puis vaillante, et puis d'épargne. » Le vieux répétait. « Tant que je vivrai, je verrai point ça. » Et rien ne pouvait le vaincre, rien ne pouvait fléchir sa rigueur. Un seul espoir restait à Césaire. Le père aimable avait peur du curé, par appréhension de la mort qu'il sentait approcher. Il ne redoutait pas beaucoup le bon Dieu, ni le diable, ni l'enfer, ni le purgatoire, dont il n'avait aucune idée. Mais il redoutait le prêtre, qui lui représentait l'enterrement, comme on pourrait redouter les médecins, par horreur des maladies. Depuis 8 jours, Céleste, qui connaissait cette faiblesse du vieux, poussait Césaire à aller trouver le curé. Mais Césaire hésitait toujours, parce qu'il n'aimait point beaucoup non plus les robes noires, qui lui représentaient à lui des mains toujours tendues pour des quêtes ou pour le pain béni. Il venait pourtant de se décider, et il s'en allait vers le presbytère, en songeant à la façon dont il allait compter son affaire. L'abbé Raffin, un petit prêtre vif, maigre et jamais rasé, attendait l'heure de son dîner en se chauffant les pieds au feu de sa cuisine. Dès qu'il vit entrer le paysan, il demanda, en tournant seulement la tête, « Eh bien, Césaire, qu'est-ce que tu veux ?»« Je voudrais vous causer, monsieur le curé. » L'homme restait debout, intimidé, tenant sa casquette d'une main et son fouet de l'autre. « Eh bien, cause !» Césaire regardait la bonne, une vieille qui traînait ses pieds en mettant le couvert de son maître sur un coin de table, devant la fenêtre. Il balbutia. « C'est que... c'est quasiment une confession. » Alors l'abbé Raffin considéra avec soin son paysan. Il vit sa mine confuse, son air gêné, ses yeux errants, et il ordonna. « Maria, va-t'en 5 minutes à ta chambre, que je cause avec Césaire. » La servante jeta sur l'homme un regard colère et s'en alla en grognant. L'ecclésiastique reprit. « Allons, maintenant, défile ton chapelet. » Le gars hésitait toujours, regardait ses sabots, remuait sa casquette, puis tout à coup, il se décida. « V'là, je voudrais épouser Céleste Lévesque. »« Eh bien, mon garçon, qui est-ce qui t'en empêche ? C'est le père qui ne veut point. »« Ton père ? Oui, mon père. »« Qu'est-ce qu'il dit, ton père ? Il dit qu'elle a eu un enfant. »« Elle n'est pas la première à qui ça arrive, depuis notre mère Ève. »« Un enfant avec Victor, Victor Lecoq, le domestique en Antimloisel. »« Ah, alors il ne veut pas. »« Il ne veut point. » Mais là, pas du tout. Pas plus qu'une bourrique qui refuse d'aller, sauf votre respect. Qu'est-ce que tu lui dis, toi, pour le décider ? Je lui dis que c'est une bonne fille, et puis vaillante, et puis d'épargne. Et ça ne le décide pas. Alors, tu veux que je lui parle ? Tout juste, vous le dites. Et qu'est-ce que je lui raconterai, moi, à ton père ? Mais ce que vous racontez au serment pour faire donner des sous ? Dans l'esprit du paysan, tout l'effort de la religion consistait à desserrer les bourses, à vider les poches des hommes pour remplir le coffre du ciel. C'était une sorte d'immense maison de commerce dont les curés étaient des commis, commis sournois, rusés, dégourdis comme personne, qui faisaient les affaires du bon Dieu au détriment des campagnards. Ils savaient fort bien que les prêtres rendaient des services, de grands services aux plus pauvres, aux malades, aux mourants, assistaient, consolaient, conseillaient, soutenaient, mais tout cela moyennant finances, en échange de pièces blanches, de bel argent luisant, dont on payait les sacrements et les messes, les conseils et la protection, le pardon des péchés et les indulgences, le purgatoire et le paradis, suivant les rentes et la générosité du pécheur. L'abbé Raffin, qui connaissait son homme et qui ne se fâchait jamais, se mit à rire. « Eh bien oui, je lui raconterai ma petite histoire à ton père. Mais toi, mon garçon, tu y viendras au sermon. » Ulbrecht tendit la main pour jurer. « Foi de pauvre homme, si vous faites ça pour mai, je le promets. »« Allons, c'est bien. Quand veux-tu que j'aille le trouver, ton père ?»« Mais le plus tôt sera le mieux. »« À nuit, si vous le pouvez. »« Dans une demi-heure, alors, après souper. »« Dans une demi-heure. »« C'est entendu. À bientôt, mon garçon. »« À la revoyure, monsieur le curé. Merci, ben. »« De rien, mon garçon. » Et Césaire Ulbrecht rentra chez lui, le cœur allégé d'un grand poids. Il tenait à bail une petite ferme, toute petite car ils n'étaient pas riches, son père et lui. Seul avec une servante, une enfant de 15 ans qui leur faisait la soupe, soignait les poules, allait traire les vaches et battait le beurre, ils vivaient péniblement, bien que Césaire fût un bon cultivateur. Mais il ne possédait ni assez de terre, ni assez de bétail pour gagner plus que l'indispensable. Le vieux ne travaillait plus. Triste comme tous les sourds, perclus de douleur, courbé, tortu, il s'en allait par les champs, appuyé sur son bâton, en regardant les bêtes et les hommes d'un œil dur et méfiant. Quelquefois, il s'asseyait sur le bord d'un fossé et demeurait là, sans remuer, pendant des heures, pensant vaguement aux choses qui l'avaient préoccupé toute sa vie, au prix des œufs et des grains, au soleil et à la pluie qui gâtent ou font pousser les récoltes, et, travaillé par les rhumatismes, ses vieux membres buvaient encore l'humidité du sol, comme ils avaient bu depuis 70 ans la vapeur des murs de sa chaumière basse, coiffée aussi de paille humide. Il rentrait à la tombée du jour, prenait sa place au bout de la table, dans la cuisine, et quand on avait posé devant lui le pot de terre brûlé qui contenait sa soupe, il l'enfermait dans ses doigts crochus, qui semblaient avoir gardé la forme ronde du vase, et il se chauffait les mains, hiver comme été, avant de se mettre à manger, pour ne rien perdre, ni une parcelle de chaleur qui vient du feu, lequel coûte cher, ni une goutte de soupe où on a mis de la graisse et du sel, ni une miette de pain qui vient du blé. Puis il grimpait par une échelle dans un grenier où il avait sa paillasse, tandis que le fils couchait en bas, au fond d'une sorte de niche près de la cheminée, et que la servante s'enfermait dans une espèce de cave, un trou noir qui servait autrefois à emmagasiner les pommes de terre. Césaire et son père ne causaient presque jamais. De temps en temps seulement, quand il s'agissait de vendre une récolte ou d'acheter un veau, le jeune homme prenait l'avis du vieux, et, formant un porte-voix de ses deux mains, il lui criait ses raisons dans la tête. Et le père amable les approuvait ou les combattait d'une voix lente et creuse venue du fond de son ventre. Un soir donc, Césaire, s'approchant de lui comme s'il s'agissait de l'acquisition d'un cheval ou d'une génisse, lui avait communiqué, à plein poumon, dans l'oreille, son intention d'épouser Céleste Lévesque. Alors le père s'était fâché. Pourquoi ? Par moralité ? Non, sans doute. La vertu d'une fille n'a guère d'importance au champ. Mais son avarice, son instinct profond, féroce d'épargne, s'était révolté à l'idée que son fils élèverait un enfant qu'il n'avait pas fait lui-même. Il avait pensé tout à coup, en une seconde, à toutes les soupes qu'avalerait le petit avant de pouvoir être utile dans la ferme. Il avait calculé toutes les livres de pain, tous les litres de cidre que mangerait et que boirait ce galopin jusqu'à son âge de 14 ans. Et une colère folle s'était déchaînée en lui contre Césaire qui ne pensait pas à tout ça. Et il avait répondu avec une force de voix inusitée. « C'est-il que t'as perdu le sens ?» Alors Césaire s'était mis à énumérer ses raisons, à dire les qualités de Céleste, à prouver qu'elle gagnerait 100 fois ce que coûterait l'enfant. Mais le vieux doutait de ses mérites, tandis qu'il ne pouvait douter de l'existence du petit. Et il répondait coup sur coup sans s'expliquer davantage. « Je veux point, je veux point. Tant que je vivrai, ça ne se fera point. » Et depuis 3 mois, ils en restaient là, sans en démordre l'un et l'autre, reprenant une fois par semaine au moins la même discussion, avec les mêmes arguments, les mêmes mots, les mêmes gestes et la même inutilité. C'est alors que Céleste avait conseillé à Césaire d'aller demander l'aide de leur curé. En rentrant chez lui, le paysan trouva son père attablé déjà, car il s'était mis en retard par sa visite au presbytère. Ils dînèrent en silence, face à face, mangèrent un peu de beurre sur leur pain, après la soupe, en buvant un verre de cidre. Puis ils demeurèrent immobiles sur leur chaise, à peine éclairée par la chandelle que la petite servante avait emportée pour laver les cuillers, essuyer les verres et tailler à l'avance les croûtes pour le déjeuner de l'aurore. Un coup retentit contre la porte qui s'ouvrit aussitôt, et le prêtre parut. Le vieux leva sur lui ses yeux inquiets, pleins de soupçons, et, prévoyant un danger, il se disposait à grimper son échelle, quand l'abbé Raffin lui mit la main sur l'épaule et lui hurla contre la tempe. « J'ai à vous causer, père amable !» Césaire avait disparu, profitant de la porte restée ouverte. Il ne voulait pas entendre, tant il avait peur. Il ne voulait pas que son espoir s'émiettât à chaque refus obstiné de son père. Il aimait mieux apprendre d'un seul coup la vérité, bonne ou mauvaise, plus tard. Et il s'en alla dans la nuit. C'était un soir sans lune, un soir sans étoiles, un de ces soirs brumeux où l'air semble gras d'humidité. Une odeur vague de pommes flottait auprès des cours, car c'était l'époque où on ramassait les plus précoces, les pommes horribles, comme on dit au pays du cidre. Les étables, quand ces airs longeaient leurs murs, soufflaient par leurs étroites fenêtres leur odeur chaude de bêtes vivantes endormies sur le fumier. Et il entendait auprès des écuries le piétinement des chevaux restés debout et le bruit de leurs mâchoires tirant et broyant le foin des râteliers. Il allait devant lui en pensant à Céleste. Dans cet esprit simple, chez qui les idées n'étaient guère encore que des images nées directement des objets, les pensées d'amour ne se formulaient que par l'évocation d'une grande fille rouge, debout dans un chemin creux, et riant, les mains sur ses hanches. C'est ainsi qu'il l'avait aperçue le jour où commença son désir pour elle. Il la connaissait cependant depuis l'enfance, mais jamais, comme ce matin-là, il n'avait pris garde à elle. Ils avaient causé quelques minutes, puis il était parti. Et tout en marchant, il répétait « Christy, c'est une belle fille tout de même. C'est dommage qu'elle ait fauté avec Victor. » Jusqu'au soir, il y songea, et le lendemain aussi. Quand il la revit, il sentit quelque chose qui lui chatouillait le fond de la gorge, comme si on lui eût enfoncé une plume de coq par la bouche dans la poitrine. Et depuis lors, toutes les fois qu'il se trouvait près d'elle, il s'étonnait de ce chatouillement nerveux qui recommençait toujours. En 3 semaines, il se décida à l'épouser, tant elle lui plaisait. Il n'aurait pu dire d'où venait cette puissance sur lui, mais il l'exprimait par ces mots. « J'en suis possédé. » Comme s'il eût porté en lui l'envie de cette fille aussi dominatrice qu'un pouvoir d'enfer. Il ne s'inquiétait guère de sa faute. Tant pis, après tout, cela ne la gâtait point. Et il n'en voulait pas à Victor Lecoq. Mais si le curé allait ne pas réussir, que ferait-il? Il n'osait y penser, tant cette inquiétude le torturait. Il avait gagné le presbytère et il s'était assis auprès de la petite barrière de bois pour attendre la rentrée du prêtre. Il était là depuis 1 heure, peut-être, quand il entendit des pas sur le chemin, et il distingua bientôt, quoique la nuit fût très sombre, l'ombre plus noire encore de la soutane. Il se dressa, les jambes cassées, n'osant plus parler, n'osant point savoir. L'ecclésiastique l'aperçut et dit gaiement « Eh bien, mon garçon, ça y est !» Césaire balbutia « Ça y est? Pas possible !»« Oui, mon gars, mais point sans peine. Quelle vieille bourrique que ton père !» Le paysan répétait « Pas possible !» « Mais oui, viens-t'en me trouver demain, midi, pour décider la publication des bans. » L'homme avait saisi la main de son curé, il l'a serrée, l'a secouée, l'a broyée en bégayant. « Vrai, vrai, vrai, monsieur le curé, foi d'honnête homme, vous me verrez dimanche, à votre sermon. » La noce eut lieu vers la mi-décembre. Elle fut simple, les mariés n'étant pas riches. Césaire, vêtu de neuf, se trouva près dès 8 heures du matin pour aller quérir sa fiancée et la conduire à la mairie. Mais comme il était trop tôt, il s'assit devant la table de la cuisine et attendit ceux de la famille et les amis qui devaient venir le prendre. Depuis 8 jours, il neigeait, et la terre brune, la terre déjà fécondée par les semences d'automne, était devenue livide, endormie sous un grand drap de glace. Il faisait froid dans les chaumières coiffées d'un bonnet blanc, et les pommiers ronds dans les cours semblaient fleuris, poudrés comme au joli mois de leur épanouissement. Ce jour-là, les gros nuages du nord, les nuages gris chargés de cette pluie mousseuse, avaient disparu, et le ciel bleu se déployait au-dessus de la terre blanche, sur qui le soleil levant jetait des reflets d'argent. Césaire regardait devant lui, par la fenêtre, sans penser à rien, heureux. La porte s'ouvrit. 2 femmes entrèrent, des paysannes endimanchées, la tante et la cousine du marié, puis 3 hommes, ses cousins, puis une voisine. Ils s'assirent sur des chaises et ils demeurèrent immobiles et silencieux, les femmes d'un côté de la cuisine, les hommes de l'autre, saisis soudain de timidité, de cette tristesse embarrassée qui prend les gens assemblés pour une cérémonie. Un des cousins demanda bientôt « C'est-y point l'heure ?» Césaire répondit « Je crée ben que oui. »« Allons, en route !» dit un autre. Ils se levèrent. Alors Césaire, qu'une inquiétude venait d'envahir, grimpa l'échelle du grenier pour voir si son père était prêt. Le vieux, toujours matinal d'ordinaire, n'avait point encore paru. Son fils le trouva sur sa paillasse, roulé dans sa couverture, les yeux ouverts et l'air méchant. Il lui cria dans le tympan « Allons, mon père, levez-vous, v'là le moment de la noce !» Le sourd murmura d'une voix dolente

comme si elle l'avait rencontré la veille. « Bonjour, Victor, ça va toujours ?» Il répondit, « Ça va toujours, et de votre part ?»« Oh, mais ça irait, n'était que je suis seule à la maison, ce qui me donne du tracas, vu les terres. » Alors ils causèrent longtemps, appuyés contre la roue de la lourde voiture. L'homme parfois se grattait le front sous sa casquette et réfléchissait, tandis qu'elle, les joues rouges, parlait avec ardeur, disait ses raisons, ses combinaisons, ses projets d'avenir. À la fin, il murmura « Oui, ça se peut. » Elle ouvrit la main comme un paysan qui conclut un marché et demanda « C'est dit ?» Il serra cette main tendue « C'est dit. » « Ça va pour dimanche, alors ?»« Ça va pour dimanche. » »« Allons, bonjour, Victor. » »« Bonjour, Madame Houlbrecht. » Ce dimanche-là, c'était la fête du village, la fête annuelle et patronale qu'on nomme Assemblée en Normandie. Depuis 8 jours, on voyait venir par les routes, au pas lent de rosses grises ou rougeâtres, les voitures foraines, où gîtent les familles ambulantes des coureurs de foire, directeurs de loterie, de tir, de jeux d'hiver, ou montreurs de curiosités que les paysans appellent « fais-e-vé de quoi ». Les carrioles sales, aux rideaux flottants, accompagnées d'un chien triste, allant tête basse entre les roues, s'étaient arrêtées l'une après l'autre sur la place de la mairie. Puis une tente s'était dressée devant chaque demeure voyageuse. Et dans cette tente, on apercevait par les trous de la toile des choses luisantes qui surexcitaient l'envie et la curiosité des gamins. Dès le matin de la fête, toutes les baraques s'étaient ouvertes, étalant leur splendeur de verre et de porcelaine. Et les paysans, en allant à la messe, regardaient déjà d'un œil candide et satisfait ces boutiques modestes qu'ils revoyaient pourtant chaque année. Dès le commencement de l'après-midi, il y eut foule sur la place. De tous les villages voisins, les fermiers arrivaient, secoués avec leurs femmes et leurs enfants dans les chars à bancs à deux roues qui sonnaient la ferraille en oscillant comme des bascules. On avait dételé chez des amis et les cours des fermes étaient pleines d'étranges guimbardes grises, hautes, maigres, crochues, pareilles aux animaux à longues pattes du fond des mers. Et chaque famille, les mioches devant, les grands derrière, s'en venait à l'assemblée à pas tranquille, la mine souriante et les mains ouvertes, de grosses mains rouges, osseuses, accoutumées au travail et qui semblaient gênées de leur repos. Un faiseur de tours jouait du clairon. L'orgue de barbarie des chevaux de bois égrenait dans l'air ses notes pleurardes et sautillantes. La roue des loteries grinçait comme les étoffes qu'on déchire. Les coups de carabine claquaient de seconde en seconde. Et la foule lente passait mollement devant les baraques, à la façon d'une pâte qui coule, avec des remous de troupeaux, des maladresses de bêtes pesantes sorties par hasard. Les filles, se tenant par le bras par rang de 6 ou 8, piaillaient des chansons. Les gars les suivaient en rigolant, la casquette sur l'oreille et la blouse raidie par l'empois, gonflée comme un ballon bleu. Tout le pays était là, maîtres, valets et servantes. Le père amable lui-même, vêtu de sa redingue antique et verdâtre, avait voulu voir l'assemblée, car il n'y manquait jamais. Il regardait les loteries, s'arrêtait devant les tirs pour juger les coups, s'intéressait surtout à un jeu très simple qui consistait à jeter une grosse boule de bois dans la bouche ouverte d'un bonhomme peint sur une planche. On lui tapa soudain sur l'épaule. C'était le père Malivoire qui cria « Eh, mon père, je vous invite à Béine Fine !» Et ils s'assirent devant la table d'une guinguette installée en plein air. Ils burent une fine, puis deux fines, puis trois fines, et le père amable recommença à errer dans l'assemblée. Ses idées devenaient un peu troubles. Il souriait sans savoir de quoi. Il souriait devant les loteries, devant les chevaux de bois, et surtout devant le jeu du massacre. Il y demeura longtemps, ravi quand un amateur abattait le gendarme ou le curé, deux autorités qu'il redoutait d'instinct. Puis il retourna s'asseoir à la guinguette et but un verre de cidre pour se rafraîchir. Il était tard, la nuit venait. Un voisin le prévint. « Vous allez rentrer après le fricot, mon père. » Alors il se mit en route vers la ferme. Une ombre douce, l'ombre tiède des soirs de printemps, s'abattait lentement sur la terre. Quand il fut devant sa porte, il crut voir par la fenêtre éclairée deux personnes dans la maison. Il s'arrêta, fort surpris, puis il entra et il aperçut Victor Lecoq, assis devant la table, en face d'une assiette pleine de pommes de terre et qui soupait juste à la place de son fils. Et soudain il se retourna comme s'il voulait s'en aller. La nuit était noire à présent. Céleste s'était levée et lui criait « Venez vite, mon père, il y a du bon ragoût pour fêter l'assemblée !» Alors il obéit par inertie et s'assit, regardant tour à tour l'homme, la femme, l'enfant. Puis il se mit à manger doucement, comme tous les jours. Victor Lecoq semblait chez lui, causait de temps en temps avec Céleste, prenait l'enfant sur ses genoux et l'embrassait. Et Céleste lui redonnait de la nourriture, lui versait à boire, paraissait contente en lui parlant. Le père aimable les suivait d'un regard fixe, sans entendre ce qu'il disait. Quand il eut fini de souper, et il n'avait guère mangé, tant il se sentait le cœur retourné, il se leva et, au lieu de monter à son grenier comme tous les soirs, il ouvrit la porte de la cour et sortit dans la campagne. Lorsqu'il fut parti, Céleste, un peu inquiète, demanda « Qu'est-ce qu'il fait ?» Victor, indifférent, répondit « Donnez-lui je point, il rentre à bain quand il sera là. » Alors elle fit le ménage, lava les assiettes, essuya la table, tandis que l'homme se déshabillait avec tranquillité. Puis il se glissa dans la couche obscure et profonde où elle avait dormi avec Césaire. La porte de la cour se rouvrit. Le père aimable reparut. Dès qu'il fut entré, il regarda de tous les côtés avec des allures de vieux chien qui flaire. Il cherchait Victor Lecoq. Comme il ne le voyait point, il prit la chandelle sur la table et s'approcha de la niche sombre où son fils était mort. Dans le fond, il aperçut l'homme, allongé sous les draps, et qui sommeillait déjà. Alors le sourd se retourna doucement, reposa la chandelle, et ressortit encore une fois dans la cour. Céleste avait fini de travailler. Elle avait couché son fils, mis tout en place, et elle attendait, pour s'étendre à son tour aux côtés de Victor, que son beau-père fût revenu. Elle demeurait assise sur une chaise, les mains inertes, le regard vague. Comme il ne rentrait point, elle murmura avec ennui, avec humeur. « Il nous fera brûler pour 4 sous de chandelle, ce vieux fainéant. » Victor répondit du fond de son lit. « V'là plus d'une heure qu'il est dehors. Faudrait voir s'il ne dort point sur le banc devant la porte. » Elle annonça « J'y vas. » Se leva, prit la lumière et sortit en faisant un abat-jour de sa main pour distinguer dans la nuit. Elle ne vit rien devant la porte, rien sur le banc, rien sur le fumier, où le père avait coutume de s'asseoir au chaud quelquefois. Mais, comme elle allait rentrer, elle leva par hasard les yeux vers le grand pommier qui abritait l'entrée de la ferme, et elle aperçut tout à coup 2 pieds, 2 pieds d'homme qui pendaient à la hauteur de son visage. Elle poussa des cris terribles. « Victor ! Victor ! Victor ! » Il accourut en chemise. Elle ne pouvait plus parler et, tournant la tête pour ne pas voir, elle indiquait l'arbre de son bras tendu. Ne comprenant point, il prit la chandelle afin de distinguer et il aperçut, au milieu des feuillages, éclairé en dessous, le père aimable pendu très haut par le cou au moyen d'un licol d'écurie. Une échelle restait appuyée contre le tronc du pommier. Victor courut chercher une serpe, grimpa dans l'arbre et coupa la corde. Mais le vieux était déjà froid et il tirait la langue horriblement avec une affreuse grimace.